de fées en français. Les pierres de Plouhinec. Il était une fois, dans la grande nation qu'était la France, une petite ville du nom de Plouhinec. À la pointe de Plouhinec, il y avait deux rangées de pierres immenses. Les pierres étaient si grandes et si lourdes qu'on croyait que seules les fées pouvaient les avoir mises là, comme ça, bien droites. Non loin de l'avenue des Grandes Pierres et sur les berges de la petite rivière Intail, vivait un homme qui s'appelait Marzin et sa sœur Rosnik. Rosnik était une très jolie jeune fille qui était traitée comme une princesse par son frère Marzin. Il était très protecteur envers elle. Il rejetait toutes les propositions qu'on lui faisait pour avoir la main de sa sœur en mariage. « Non, merci. Ma jolie petite sœur se mariera un jour avec un prince, pas avec un simple marchand de pommes. » Mais Marzin ignorait le fait que Rosnik et son ami d'enfance, Bernez, étaient amoureux. « Comme j'aimerais être un prince pour pouvoir demander ta main à ton frère et t'épouser. » Mais hélas, je ne suis qu'un pauvre bûcheron. Eh bien, pourquoi ne parles-tu pas de nous à mon frère demain au banquet, non? Qu'en penses-tu? Mais... Pas de mais. Soit tu lui dis, soit je lui dis moi-même. Je me fiche bien des riches. Je tiens à toi et puis c'est tout, tu comprends? Mais... À demain alors, salut!